Kiki. Il est là. C'est pas Kiki, ça m'intéresse, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Alors, salut les copines, hein, les bien sapées, hein, comme on dit, puisque là, c'est, on a quand même affaire à l'équipe de Karl Lagerfeld. Donc, alors, je suis un peu, alors donc les drôles de dames maintenant. Pris, hein, c'est vrai que la vidéo, c'est un problème pour toi. Gilbert, si j'ai, bon, honnêtement, je pense que t'es quand même pas. Tu te demandes toujours pourquoi on ne prend pas la télé. Tu te poses pas de questions. Tu sais pas pourquoi tu fais une grande carrière à la radio. Julien, tu sais comment on dit en anglais? On dit a face made for radio, un visage fait c'est pour radio. C'est ça. Eh ben c'est Gilbert. C'est Gilbert. Un radio. Si mais bon. Vous savez. Non mais si tant qu'ils n'ont pas inventé le zoom, tu pourras t'en sortir. Peut-être piquer ta place à Vivolta. Ouais. Tu sais qu'il a été contacté par Vivolta. C'est moche la jalousie. Et je vais te dire un truc. C'est assez vilain. C'est Gilbert, c'est facile de refuser des offres qu'on ne vous fait pas. Alors, je vois que les drôles de dames maintenant ne sont plus que deux. Alors, est-ce qu'on peut encore les appeler drôles de dames? On est plus proche de Cagné et Lacet. Vous vous rappelez pas de cette série? T'es laquelle, Fred? Ou Kik et Fluke. Plutôt, ouais. Non, mais Cagné et Lacet, c'était deux beaux physiques. Ah, Kik et Fluke, là, c'est moi. Franchement, là, c'était deux beaux physiques. Un peu vous deux, quoi. Magnifique. Amicalement vôtre. Deux femmes superbes. Ah, amicalement vôtre. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit côté. Moi, j'ai cherché des gonzesses. C'est clair. T'es Tony Curtis, toi? Ah, bah ouais. Maintenant? Il est pas frais, hein. Bref, tant pis. Ouais, donc je suis désolé, moi ce week-end j'ai pas trop maté de foot. Hein, j'ai maté 127 heures. Tu l'as vu Gilbert 127 heures? Non. Non, bah, c'est le non, pas le film. Hein. Moi j'ai vu le doc. Le doc 127 heures, c'est le temps passé sur les pelouses de Ligue 1 par Gignac depuis son dernier but. Alors, c'est impressionnant. Hein. C'est comme dans le film, c'est-à-dire qu'à la main, à la fin, le mec, tu sais, il se coupe le bras dans le film. Sauf que Gignac, lui, il te demande pourquoi il se coupe pas le pied. C'est tout. C'est la seule différence. Bah, à bout de 127 heures, normalement, tu craques. Gère le mec, tu prends un Opinel, tu vas, même s'il est rouillé, quoi. Sauf que lui, Gignac, il est pas coincé sur le rocher. Ça, c'est Marco Simone, le pauvre. Alors, n'y a pas à confondre. Une blague de merde. Vous me direz, je fais que ça, mais là, j'annonce. Attendez! Marc Marais ou avant. Monsieur, madame, du PSG frappe dans tes mains, on t'a un fils. Comment s'appelle-t-il? Monsieur, madame, du PSG frappe dans tes mains. Citez pas. Stéphane. Stéphane du PSG frappe dans tes mains. Je l'avais dit que ça serait naze. Hein. Attention, hein, c'était annoncé. Ouais, Stéphane, vraiment. Stéphane du PSG. Je pensais que tu prévoyais que c'était nul, en fait, que ça allait être. Ah bah bien. Non, sinon. Ouais. Sinon, je vais faire une petite chanson avant les chansons. Par rapport à ce que nous avait dit Daniel sur la Ligue 1, ça m'a inspiré. Tout à l'heure, ça m'a pris comme ça sur la Ligue 1, sur le fait qu'à chaque fois, les équipes comme Toulouse, comme Montpellier, tous les ans, c'est pareil. Ils se battent pour rien parce qu'à la fin, ils ne la jouent pas. La coupe, je voudrais qu'on me lance cette petite musique en hommage à Clo-Clo, dont le film sort en ce moment. On se bat, tout ça en derrière. On arrache un point, comme d'habitude. On les gare sur un contre en bois. On peut même en prendre trois, oh, comme d'habitude. Et on est là, à la fin de la saison. Oh, on va bétonner, comme d'habitude. Comme ça, on finira cinquième, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, en Coupe d'Europe, on va jouer avec le frein. Oui, comme d'habitude, on mettra l'équipe B. Oui, comme d'habitude. C'est la priorité. Oui, comme d'habitude. Bravo. Eh, parce qu'il faut monter jusqu'en haut comme ça. Attends. La vidéo c'est génial, il est tout rouge. Ah bah j'en peux plus là, je suis comme le non, vrai. Mais ça arrête dans une minute là. Je touche pas l'ampoule, hein. Je suis à deux doigts là. Alors, pourquoi c'est Daniel en vidéo? Mais parce qu'on ne choisit pas, c'est complètement aléatoire. Ça tourne, s'appelle RMC. On c'est qu'à un moment donné, c'est, voilà. C'est comme le loto. Ah, je le vois chanter là. Ah ouais, cool. Ah oui, il y a un décalage. Eh non, mais c'est vachement bien fait. C'est satellite, non? Ah non, mais c'est comme quand si t'écoutes RMC et que tu regardes le truc à la télé, t'as le but avant de le voir, donc c'est un peu relou, hein. Donc il faut faire un choix, à un moment donné. Alors, je vais passer sur le bus de Lyon, qui a été caillasso, ça me choque pas, puisque c'était à Saint-Etienne, en plus il est caillasso, c'est normal. Sochaux, Eden Hazard, à Lille, Eden Hazard, il a fait un de ses meilleurs matchs de la saison et certaines mauvaises langues disent que c'est parce qu'il y avait Mancini. Ah, je trouve non mais bon en plus. Non mais moi je suis désolé, franchement c'est un petit peu léger parce que moi personnellement Samir Nasri, il a Mancini dans les tribunes à chaque match, il est pas meilleur pour autant. Oh sublime. Alors parce que moi donc c'est quand même pas une référence. Sochaux va mieux et vous avez remarqué c'est depuis qu'ils ont viré Bazdarevic. Vous me direz en même temps tous les clubs vont mieux quand ils ont viré Bazdarevic. C'est un peu comme la chaussure trop petite, hein, tu le mets. Alors tu sais pas que ça va pas être bien, mais tu sais que quand tu vas l'enlever, ça va te soulager. Bah lui, Bazdarevic, c'est pareil. Et en même temps, Bazdarevic, il était à la 20e journée, et le président lui a dit, oh, putain, on est 20e là, l'objectif c'est le maintien. T'as compris ça, le maintien? Et ben il a fait ce qu'il a dit, on lui a dit, il s'est maintenu à la 20e place pendant 10 journées seulement. Les mecs l'ont viré, comme quoi, tu vois, j'ai envie, si t'as envie d'avoir du maintien, tu prends Nadine de Rothschild, elle te donne des cours de maintien, tu nous fais pas chier, ils nous emmerdent avec leur mécha là. Je sais même pas pourquoi il est encore dans le football celui-là. À l'OM, oui, par rapport à leur Mouzaïus sur Eden Hazard, Mancini, ils ont mis la vidéo d'Eden Hazard avec ses plus wobbits et tout, c'est ça qu'ils ont fait, un truc un peu dans le genre pour l'épater. Mm-hmm. Et il paraît que l'OM, quand il y a un mec qui vient voir le match, ils mettent la vidéo de Gignac, sauf qu'il a le maillot du TFC. Hein. Alors les mecs, c'est bizarre, c'est violet son maillot. Non, c'est normal, c'était le maillot à l'extérieur. Enfin, on vous explique, il y a marqué la jaunie, mais faites pas gaffe. C'est plus ça, ça peut même plus être la jaunie, le sponsor. Ballardo. Alors l'OM, n'empêche qu'il y a pour sauveur Brandao, tu te rends compte, le mec, il est revenu à la queue entre les jambes. Bon, il était parti la queue entre les fesses. C'était pas les siennes. Écoutez, vous savez quoi, j'ai honte. Oui, tu peux. Allô, je finis par la chanson. Je finis par la chanson pour finir. Je vais garder ce que j'avais prévu sur Deschamps, hein, pour la semaine prochaine parce que là c'est. Sur Deschamps, dis-nous. Non, c'est trop long. C'est d'actu. C'est trop long, je te jure. C'est trop long. Bon, ok, d'accord. Je vais d'accord. Deschamps, en fait. C'est parce qu'en fait, c'était un dernier épisode des Deschiens. Parce que les Deschiens se sont aperçus que... Enfin, Jérémy Borel n'est pas content du tout. Hein. Alors, bonjour, hein, c'est Jérémy Borel hein, qui vous parle. Là, je ne suis pas content du tout. Hein. Ah, quand je vois l'Olympique, hein, Olympique de Marseille, c'est que l'Olympique de Marseille n'est pas des Lyonnais. Hein, c'est pas l'Olympique de Lyonnais là, qui n'a rien gagné que des titres Coupe à Toto. Là, c'est l'Olympique de Marseille, champion d'Europe. Hein, un champion d'Europe qui est dans les 8 meilleures équipes d'Europe. Hein. Qui arrive pas à être dans les 8 meilleures équipes de France. Comme quoi, la Ligue 1, c'est quand même un grand championnat, hein, quand même, faut le dire. Parce que, n'empêche que bon, mais 5 défaites d'affilée, mais quand je vois ça, j'en pleurais, hein. Ah, quand je vois mon télé, là, avec son jogging acheté à la halle aux survêtes de la Zoc de Vitrolles, sa coiffure à la graisse de foie de morue, ses claquettes au pied, là. Mais franchement, j'ai de la peine, hein. Ses claquettes, et puis c'est pas les claquettes à du jardin, hein. C'est pas les claquettes, avec les claquettes à Dédé, tu vas pas faire le mariole à Hollywood, hein. Il a pas un Oscar, lui, il a un César sur le côté droit, c'est pas avec ça qu'il va aller très loin. Voilà, Dujardin, il était présent pour le match contre l'Inter, hein, il était là, un peu dans les tribunes. Alors d'ailleurs, il était à tribune de San Siro. Et alors d'ailleurs, nous l'avons avec moi, alors j'ai envie de dire ben, bonjour Jean Dujardin, bonjour, merci d'être venu. Salut. Déjà Jean, ben, bravo pour ton set d'or. Hein. Non, Oscar. Pardon, petite erreur sur ma fiche. Hein, alors Oscar, bravo pour ton set d'or. Non, moi c'est Jean. Oui, ben, faudrait savoir, hein, c'est Dujardin quoi. C'est Jean, c'est Dujardin. D'ailleurs, Dujardin, c'est noble ou c'est pas noble? Non, c'est pas noble. Alors, tu n'étais pas noble, c'est pas grave. Alors, tu étais là lors de la qualif. On peut dire que tu n'es le porte-bonheur, hein, quelque part. Merci, c'est gentil. Alors, non, c'est sincère. Mais je remarque que tu n'étais pas là contre Brest. Hein, et contre Brest, on a perdu. Tu n'étais pas à Brest. Non, mais j'ai autre chose à foutre. Oui, d'accord. Mais enfin, contre Toulouse, on a perdu, tu n'étais pas là. Bah non, j'ai autre chose à foutre. Oui, d'accord. Mais bon, contre Ajaccio, tu n'étais pas là. Bah non, j'ai autre chose à foutre. Mais d'accord, mais bon, d'accord, on a compris, mais contre Dijon, tu n'étais pas là contre Dijon. Bah non, j'ai autre chose à foutre. Je t'ai cassé là. Je t'ai complètement cassé. Ah oui, tu vas casser les couilles, ouais. J'ai artiste, où il est là pour quand ça gagne et puis il est pas là après. J'ai artiste, tu parles d'un artiste, tu sais faire un râteau? Non, bah tu sais pas faire un râteau, tu sais faire une roulette là, j'ai artiste. Tu sais faire une frappe en rupture là? Tu sais pas le faire. T'es pas un artiste. Jérôme Leroy, lui, c'est un artiste. Et puis le roi, c'est un vrai nob, lui au moins. Oh. Voilà, je voudrais finir en chanson. Non, je vais me faire foutre. J'ai pas de chanson. On peut ou pas? J'ai le temps d'une chanson. Tu vas pas nous foutre ton replay en bois que tout le monde a écouté. Petite chanson. C'est la chanson. Allez, la chanson. Allez, la chanson sur les frères Ayoub. J'avais foiré la dernière fois. Je vais essayer de la réussir. C'est pas gagné. Attention, d'être prêt. C'est parti. C'est pas gagné. Moi je connais deux frangins qui jouent à la commanderie et font du soir au matin des gens, des petits ponts, des râteaux, des gris-gris. On dirait qu'on a cloné le père à béni pelé, trois pelés et un tondu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, lélé. Faut pas les choper, ils peuvent se casser les reins avec un seul crochet. Frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, lélé. Si t'as pas assez dans ton porte-monnaie, ils vont finir par se casser. Si Fergie fait coucou, ils iront à Manu. Si José les régale, ils iront au Real. Si Bepi leur donne ça, ils iront au Barça. Et si Carlo, ah non, pas ça. Frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, lélé. Faut pas les chauffer, ils peuvent te casser les reins avec un seul crochet. C'est de talent du Ghana, au-dessus de la normale. Quand ils distillent un caviar, vendangé par Gignac pour un gros moral. Sur un une deux de folie, ils font parler la magie. Mais pour le centre cordo, il n'y a que Brandao. Tant pis, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, lélé. Avant les chauffer, ils peuvent se casser les reins avec un seul crochet. Frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, lélé. Si t'as pas assez dans ton porte-monnaie, ils vont finir par se casser. Merci.